roi Koro Echo. Roi Koro Echo. Petit roi Echo, tu fais des sacres, des ridicules, quitte ta claque. Si je te croise, je te massacre, je te consacre en sac de frappe. Dès que je te vois, je te kidnappe, je te fous dans le coffre de mon 4x4, tu te pisseras dessus, ça fera des flaques, tu mouilles du cul, t'en fais des lacs. J'espère pour toi que t'es pas cardiaque quand on débarque, on te viole, on te braque comme Pikachu, on vive attaque, on te blitzkrieg à la Bismarck. Il est cinglé, ton grand monarque, il cause tout seul, il fume du crack, t'entends des voix, t'inventes des diacres, le seul qui te parle c'est ton psychiatre, ton simulacre est démoniaque, chier des faux rois, ça pue l'arnaque, le royaliste c'est un cul-de-sac, tu fonces dans le mur et patatrac. T'as la dégaine à psychoquac et la même gueule de macaque, j't'enverrai bien sur l'île de Pâques, plus de royaliste, plus de comeback. Tu pues de la gueule, prends un tic-tac, ton souffle sans le soufre et l'ammoniaque, à moins que ce soit tout le cognac que tu picoles chaque fois que t'as le trac. Il est cinglé, ton grand monarque, il cause tout seul, il fume du crack, t'entends des voix, t'inventes des diacres, le seul qui te parle c'est ton psychiatre, ton simulacre est démoniaque, chez des faux rois ça pue l'arnaque, le royaliste c'est un cul-de-sac, tu fonces dans le mur et patatrac. Ta team d'autistes c'est pas des cracks, ils n'ont pas l'âge d'être à la fac, ils ont le peps d'un insomniaque, vos dégaines c'est n'importe nawak. Dans vos trucs il y a ma matraque, elle casse vos gueules de bric à bras, casse-toi roi Echo, tu schlingues le cloaque, le VIH ça laisse des marques.